Chapitre 6e. La visite. Jeanne Duport, à la pensée de sa fille, s'était mise à pleurer amèrement. « Pardon, lui dit la Lorraine attristée. Pardon si je vous ai fait de la peine sans le vouloir en vous parlant de vos enfants. Ils sont peut-être malades aussi. Hélas, mon Dieu, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir si je reste ici plus de 8 jours. Et votre mari ? » Après un moment de silence, Jeanne reprit en essuyant ses larmes. « Puisque nous sommes amis ensemble, la Lorraine, je peux vous dire mes peines, comme vous m'avez dit les vôtres, cela me soulagera. Mon mari était un bon ouvrier. Il s'est dérangé, puis il m'a abandonné, moi et mes enfants, après avoir vendu tout ce que nous possédions. Je me suis remise au travail. De bonnes âmes m'ont aidé. Je commence à être un peu à flot. J'élevais ma petite famille du mieux que je pouvais. Quand mon mari est revenu avec une mauvaise femme qui était sa maîtresse, me reprendre le peu que je possédais, et ça a été encore à recommencer. Pauvre Jeanne, vous ne pouviez pas empêcher cela. Il aurait fallu me séparer devant la loi, mais la loi est trop chère, comme dit mon frère. Hélas, mon Dieu, vous allez voir ce que ça fait que la loi soit trop chère pour nous, pauvres gens. Il y a quelques jours, je retourne voir mon frère. Il me donne 3 francs, qu'il avait ramassés à compter les histoires aux autres prisonniers. On voit que vous êtes bien bon cœur dans votre famille, dit la Lorraine, qui, par une rare délicatesse d'instinct, n'interrogea pas Jeanne sur la cause de l'emprisonnement de son frère. Je reprends donc courage. Je croyais que mon mari ne reviendrait pas de longtemps, car il avait pris chez nous tout ce qu'il pouvait prendre. Non, je me trompe, ajouta la malheureuse en frissonnant. Il lui reste à prendre ma fille, ma pauvre Catherine, votre fille. Vous allez voir, vous allez voir. Il y a 3 jours, j'étais à travailler avec mes enfants autour de moi. Mon mari entre. Rien qu'à son air, je m'aperçois tout de suite qu'il a bu. Je viens chercher Catherine, qu'il me dit. Malgré moi, je prends le bras de ma fille et je réponds à Duport. Où veux-tu l'emmener ? Ça ne te regarde pas, c'est ma fille. Qu'elle fasse son paquet et qu'elle me suive. À ces mots-là, mon sang ne fait qu'un tour, car figurez-vous, la Lorraine, que cette mauvaise femme qui est avec mon mari, ça fait frémir à dire, mais enfin, c'est ainsi. Elle le pousse depuis longtemps à tirer parti de notre fille, qui est jeune et jolie. Dites, quel monstre de femme ! Ah oui, c'est un vrai monstre. Emmener Catherine ? Que je réponds à Duport, jamais. Je sais ce que ta mauvaise femme voudrait en faire. Tiens, me dit mon mari, dont les lèvres étaient déjà toutes blanches de colère, ne m'obstine pas ou je t'assomme. Là-dessus, il prend ma fille par le bras en lui disant, en route, Catherine. La pauvre petite me sauta au cou en fondant larmes et criant, je veux rester avec maman. Voyant ça, Duport devient furieux. Il arrache ma fille d'après moi, me donne un coup de poing dans l'estomac qui me renverse par terre. Et une fois par terre, Mais voyez-vous la Lorraine, dit la malheureuse femme en s'interrompant. Bien sûr, il n'a été si méchant que parce qu'il avait bu. Enfin, il trépigne sur moi, en m'accablant de sottises. Faut-il être méchant, mon Dieu ? Mes pauvres enfants se jettent à ses genoux en demandant grâce, Catherine aussi. Alors il dit à ma fille, en jurant comme un furieux, « Si tu ne viens pas avec moi, j'achève ta mère !» Je vomissais le sang, je me sentais à moitié morte. Je ne pouvais pas faire un mouvement, mais je crie à Catherine. « Laisse-moi tuer plutôt, mais ne suis pas ton père. »« Tu ne te tairas donc pas ?» me dit Duport en me donnant un nouveau coup de pied qui me fit perdre connaissance. « Quelle misère, quelle misère !» Quand je suis revenu à moi, j'ai retrouvé mes 2 petits garçons qui pleuraient. « Et votre fille, partie ?» s'écria la malheureuse mère, avec un accent et des sanglots déchirants. « Oui, partie. » Mes autres enfants m'ont dit que leur père l'avait battue, la menaçant en outre de m'achever sur la place. Alors que voulez-vous ? La pauvre enfant a perdu la tête. Elle s'est jetée sur moi pour m'embrasser. Elle a aussi embrassé ses petits frères en pleurant, et puis mon mari l'a entraînée. Ah, sa mauvaise femme l'attendait dans l'escalier, j'en suis bien sûr. Et vous ne pouviez pas vous plaindre, commissaire. Dans le premier moment, je n'étais qu'au chagrin de savoir Catherine partie. Mais j'ai senti bientôt de grandes douleurs dans tout le corps. Je ne pouvais pas marcher. Hélas, mon Dieu ! Ce que j'avais tant redouté était arrivé. Oui, je l'avais dit à mon frère. Un jour, mon mari me battra si fort, que je serai obligé d'aller à l'hospice. Alors, mes enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront ? Et aujourd'hui, m'y voilà, à l'hospice, et je dis, qu'est-ce qu'ils deviendront, mes enfants ? Mais n'y a-t-il donc pas de justice, mon Dieu, pour les pauvres gens ? Trop cher pour nous, comme dit mon frère, reprit Jeanne Duport avec amertume. Les voisins avaient été chercher le commissaire. Son greffier est venu. Ça me répugnait de dénoncer Duport. mais à cause de ma fille, il l'a fallu. Seulement, j'ai dit que dans une querelle que je lui faisais, parce qu'il voulait emmener ma fille, il m'avait poussé. Que cela ne serait rien, mais que je voulais revoir Catherine, parce que je craignais qu'une mauvaise femme avec qui vivait mon mari ne la débauchât. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le greffier ? Que mon mari était dans son droit d'emmener sa fille, n'étant pas séparé d'avec moi. Que ce serait un malheur si ma fille tournait mal par de mauvais conseils. Mais que ce n'était que des suppositions et que ça ne suffisait pas pour porter plainte contre mon mari. « Vous n'avez qu'un moyen, m'a dit le greffier, plaider au civil, demander une séparation de corps et alors les coups que vous a donnés votre mari, sa conduite avec une vilaine femme, seront à votre faveur et on le forcera de vous rendre votre fille. Sans cela, il est dans son droit de la garder avec lui. Mais plaider, je n'ai pas de quoi, mon Dieu, j'ai mes enfants à nourrir. Que voulez-vous que j'y fasse ? A dit le greffier, c'est comme ça. Oui, reprit Jeanne en sanglotant, il avait raison, c'est comme ça. Et parce que c'est comme ça, dans 3 mois, ma fille sera peut-être une créature des rues. Tandis que si j'avais eu de quoi plaider pour me séparer de mon mari, cela ne serait pas arrivé. Mais cela n'arrivera pas. Votre fille doit tant vous aimer. Mais elle est si jeune. Et à cet âge-là, on n'a pas de défense. Et puis la peur, les mauvais traitements, les mauvais conseils, les mauvais exemples, l'acharnement qu'on mettra peut-être à lui faire faire mal. Mon pauvre frère avait prévu tout ce qui arrive, lui. Il me disait « Est-ce que tu crois que si cette mauvaise femme et ton mari s'acharnent à perdre cet enfant, il ne faudra pas qu'elle y passe ?» mon Dieu, pauvre Catherine, si douce, si aimante, et moi qui cette année encore, lui voulais faire renouveler sa première communion ?»« Ah, vous avez bien de la peine, et moi qui me plaignais, » dit la Lorraine en essuyant ses yeux. « Et vos autres enfants ?» À cause d'eux, j'ai fait ce que j'ai pu pour vaincre la douleur et ne pas entrer à l'hôpital, mais je n'ai pu résister. Je vomis le sang 3 ou 4 fois par jour. J'ai une fièvre qui me casse les bras et les jambes. Je suis hors d'état de travailler. Au moins, en étant vite guéri, je pourrai retourner auprès de mes enfants, si avant ils ne sont pas morts de faim ou emprisonnés comme mendiants. Moi ici, qui voulez-vous qui prenne soin d'eux, qui les nourrisse ? Oh, c'est terrible ! Vous n'avez donc pas de bons voisins ? Ils sont aussi pauvres que moi. Ils ont 5 enfants déjà. Aussi 2 enfants de plus, c'est lourd. Pourtant, ils m'ont promis de les nourrir, un peu, pendant 8 jours. C'est tout ce qu'ils peuvent. Et encore, en prenant sur leur pain, ils n'en ont déjà pas trop. Il faut donc que je sois guéri dans 8 jours. Oh oui, guéri ou non, je sortirai tout de même. Mais j'y pense. Comment n'avez-vous pas songé à cette bonne petite ouvrière, mademoiselle Rigolette, que vous avez rencontrée en prison? Elle les aurait gardées, bien sûr, elle. J'y ai pensé. Et quoique la pauvre petite ait peut-être aussi bien du mal à vivre, je lui ai fait dire ma peine par une voisine. Malheureusement, elle est à la campagne où elle va se marier, a-t-on dit chez la portière de sa maison. Ainsi, dans 8 jours, vos pauvres enfants? Mais non, vos voisins n'auront pas le cœur de les renvoyer. Mais que voulez-vous qu'ils fassent? Ils ne mangent pas déjà selon leur faim. Et il faudra encore qu'ils retirent leur pour donner aux miens. Non, non, voyez-vous, il faut que je sois guéri dans 8 jours. Je l'ai déjà demandé à tous les médecins qui m'ont interrogé depuis hier, mais ils me répondaient en riant « C'est au médecin-chef qu'il faut s'adresser pour cela. » « Quand viendra-t-il donc, le médecin en chef, la Lorraine ?»« Chut, je crois que le voilà. Il ne faut pas parler pendant qu'il fait sa visite, » répondit tout bas la Lorraine. En effet, pendant l'entretien des 2 femmes, le jour était venu peu à peu. Un mouvement tumultueux annonça l'arrivée du docteur Griffon, qui entra bientôt dans la salle, accompagné de son ami le comte de Saint-Rémy, qui pourtant, on le sait, à vif intérêt à madame de Fermont et à sa fille, était loin de s'attendre à trouver cette malheureuse jeune fille à l'hôpital. En entrant dans la salle, les traits froids et sévères du docteur Griffon semblèrent s'épanouir. Jetant autour de lui un regard de satisfaction et d'autorité, il répondit d'un signe de tête protecteur à l'accueil empressé des sœurs. La rude et austère physionomie du vieux comte de Saint-Rémy était empreinte d'une profonde tristesse. La vanité de ses tentatives pour retrouver les traces de madame de Fermont, l'ignominieuse lâcheté du vicomte qui avait préféré à la mort une vie infâme, l'écrasait de chagrin. « Eh bien, dit au comte le docteur Griffon d'un air triomphant, que pensez-vous de mon hôpital ?»« En vérité, répondit monsieur de Saint-Rémy, je ne sais pourquoi j'ai cédé à votre désir. » Rien n'est plus navrant que l'aspect de ces salles remplies de malades. Depuis mon entrée ici, mon cœur est cruellement serré. Boah, dans 1 quart d'heure, vous n'y penserez plus. Vous qui êtes philosophe, vous trouverez ample matière à observation. Et puis enfin, il était honteux que vous, un de mes plus anciens amis, vous ne connussiez pas le théâtre de ma gloire, de mes travaux, et que vous ne m'eussiez pas encore vu à l'œuvre. Je mets mon orgueil dans ma profession. Est-ce un tort? Non, certes. Et après vos excellents soins pour Fleur de Marie que vous avez sauvée, je ne pouvais rien vous refuser. Pauvre enfant, quel charme touchant ces traits ont conservé malgré la maladie. Elle m'a fourni un fait médical fort curieux. Je suis enchanté d'elle. À propos, comment a-t-elle passé cette nuit? L'avez-vous vue ce matin avant de partir d'Asnières? Non, mais la louve qui la soigne avec un dévouement sans pareil m'a dit qu'elle avait parfaitement dormi. Pourrait-on aujourd'hui lui permettre d'écrire? Après un moment d'hésitation, le docteur répondit « Oui, tant que le sujet n'a pas été complètement rétabli, j'ai craint pour lui la moindre émotion, la moindre tension d'esprit, mais maintenant je ne vois aucun inconvénient à ce qu'elle écrive. Au moins elle pourra prévenir les personnes qui s'intéressent à elle. Sans doute. Ah ça, vous n'avez rien appris de nouveau sur le sort de Madame de Fermont et de sa fille ?»« Rien, » dit M. de Saint-Rémy en soupirant. « Mes constantes recherches n'ont eu aucun résultat. » Je n'ai plus d'espoir que dans Madame la marquise d'Harville, qui, m'a-t-on dit, s'intéresse vivement aussi à ces deux infortunés. Peut-être a-t-elle quelques renseignements qui pourront me mettre sur la voie. Il y a 3 jours, je suis allé chez elle. On m'a dit qu'elle arriverait d'un moment à l'autre. Je lui écris à ce sujet, la priant de me répondre le plus tôt possible. Pendant l'entretien de M. de Saint-Rémy et du docteur Griffon, plusieurs groupes s'étaient peu à peu formés autour d'une grande table occupant le milieu de la salle. Sur cette table était un registre où les élèves attachés à l'hôpital et que l'on reconnaissait à leur long tablier blanc venaient tour à tour signer la feuille de présence. Un grand nombre de jeunes étudiants studieux et empressés arrivaient successivement du dehors pour grossir le cortège scientifique du docteur Griffon qui, ayant devancé de quelques minutes l'heure habituelle de sa visite, attendait qu'elle sonnât. « Vous voyez, mon cher Saint-Rémy, que mon état-major est assez considérable. » dit le docteur Griffon avec orgueil en montrant la foule qui venait assister à ses enseignements pratiques. « Et ces jeunes gens vous suivent au lit de chaque malade ? Ils ne viennent que pour cela. Mais tous ces lits sont occupés par des femmes. Eh bien, la présence de tant d'hommes doit leur inspirer une confusion pénible. Allons donc, un malade n'a pas de sexe. À vos yeux peut-être, mais au sien, la pudeur, la honte. Il faut laisser ces belles choses-là à la porte, mon cher Alceste. » Ici, nous commençons sur le vivant des expériences et des études que nous finissons à l'amphithéâtre sur le cadavre. Tenez, docteur, vous êtes le meilleur et le plus honnête des hommes. Je vous dois la vie. Je reconnais vos excellentes qualités. Mais l'habitude et l'amour de votre art vous font envisager certaines questions d'une manière qui me révolte. Je vous laisse, dit M. de Saint-Rémy en faisant un pas pour quitter la salle. Quel enfantillage, s'écria le docteur Griffon en le retenant. Non, non, il est des choses qui me navrent et m'indignent. « Je prévois que ce serait un supplice pour moi que d'assister à votre visite. Je ne m'en irai pas, soit, mais je vous attends ici, près de cette table. »« Quel homme vous êtes avec vos scrupules ? Mais je ne vous tiens pas quitte. J'admets qu'il serait fastidieux pour vous d'aller de lit en lit. Restez donc là. Je vous appellerai pour 2 ou 3 cas assez curieux. »« Soit, puisque vous y tenez absolument, cela me suffira. Et de reste. » 7h30 sonnèrent. « Allons, messieurs, » dit le docteur Griffon, et il commença sa visite suivie d'un nombreux auditoire. En arrivant au premier lit de la rangée droite, dont les rideaux étaient fermés, la sœur dit au docteur « Monsieur, le numéro 1 est mort cette nuit à 4h30 du matin. »« Si tard, cela m'étonne. Hier matin, je ne lui aurais pas donné la journée. A-t-on réclamé le corps ?»« Non, monsieur le docteur. »« Tant mieux, il est beau. On ne pratiquera pas d'autopsie. Je vais faire un heureux. » Puis s'adressant à un des élèves de sa suite « Mon cher Dunoyer, « il y a longtemps que vous désirez un sujet. Vous êtes inscrit le premier, celui-ci est à vous. »« Ah, monsieur, que de bonté !»« Je voudrais plus souvent récompenser votre zèle, mon cher ami, mais marquez le sujet, prenez possession. Il y a tant de gaillards âpres à la curée. » Et le docteur passa outre. L'élève, à l'aide d'un scalpel, incisa très délicatement un F et un D, François Dunoyer, sur le bras de l'actrice défunte, pour prendre possession, comme disait le docteur. Et la visite continua. La Lorraine, dit tout bas Jeanne Duport à sa voisine, qu'est-ce donc que tout ce monde qui suit le médecin? Ce sont des élèves, des étudiants. Oh mon Dieu, est-ce que tous ces jeunes gens seront là lorsque le médecin va m'interroger et me regarder? Hélas, oui. mais c'est à la poitrine que j'ai mal. On ne m'examinera pas devant tous ces hommes. Si, si, il le faut, ils le veulent. J'ai assez pleuré la première fois, je mourais de honte. Je résistais, on m'a menacé de me renvoyer. Il a bien fallu me décider, mais cela m'a fait une telle révolution que j'en étais bien plus malade. Jugez donc, presque nu, devant tout le monde, c'est bien pénible, allez. Devant le médecin, lui seul, je comprends ça. Si c'est nécessaire, et encore, ça coûte beaucoup, mais pourquoi devant tous ces jeunes gens? Ils apprennent, et on leur enseigne sur nous. Que voulez-vous? Nous sommes ici pour ça. C'est à cette condition qu'on nous reçoit à l'hospice. Ah, je comprends, dit Jeanne Duport avec amertume. On ne nous donne rien pour rien, à nous autres. Mais pourtant, il y a des occasions où ça ne peut pas être. Ainsi, ma pauvre fille Catherine, qui a 15 ans, viendrait à l'hospice. Est-ce qu'on oserait vouloir que, devant tous ces jeunes gens... Oh non, je crois que je l'aimerais mieux la voir mourir chez nous. Si elle venait ici, il faudrait bien qu'elle se résignât comme les autres, comme vous, comme moi. Mais taisons-nous, dit la Lorraine. Si cette pauvre demoiselle qui est là en face vous entendait, elle qui, dit-on, était riche, elle qui n'a peut-être jamais quitté sa mère, ça va être son tour. Jugez comme elle va être confuse et malheureuse. C'est vrai, mon Dieu, c'est vrai. Je frissonne rien que d'y penser. Pour elle, pauvre enfant. Silence, Jeanne, voilà le médecin, dit la Lorraine.